Approchez-vous et zoomez. Constatez que c'est plus comme avant. Depuis mes ventes et que leur rap se fait goumer. Des phases de fou depuis que mon joint s'est roulé. Que j'ai roté mon poulet rôti et recraché deux îlotiers. Audiophonique Mich, oui, si on est riche. Ouais, puisque nos terres sont pétrole et rubis, tu sais qui je suis. L'automatique pour ceux qui fuient, mon putain d'arôme. Putain, la route est longue de Boulogne à Rome. Et je dois sortir vainqueur d'une défaite. Ce qui veut pas passer l'hiver en Marseille, celui qu'on incarcère. Bête, de niquer sa vie sur un coup de tête. Trop le fond, arrache leur croûte avec un coupe-coupe. Jette un œil à droite, envoie la purée jusqu'à l'extrême. C'est leur plancher, un négro, c'est leur manger. Brûler leur sperme en échantillon. Souder leur chatte, on va pas se calmer, man. Ça sert à rien que tu jacques. 3 ans, mon expérience issue d'un peuple averti. C'est B2O, j'ai 423 ans. Alors, haute scène, département. Tu veux stopper mon crew, mais tu vas faire comment? Alors écoute bien. Mon nom stické sur tous les murs du 16 au Hall. Négro, t'es sourd ou quoi? On est Hall. Alors écoute bien. Un rap à sauce, y'a plein stop. Le son qui fait péter un câble. Alors écoute bien. Oh, viens toi, écoute bien. J'aime pas m'battre comme un chiffon. J'préfère ta patte car un siphon. Les gens de ma zone sont moins 8 zos. Les pieds dans l'or jusqu'à la gorge. Vote pour amener les porcs à la morgue. Vite ici c'est mort. Dites-leur que ma race est maudite. Or, j'ai eu mon trône dans le trône. J'suis hardcore comme tous ces maudits. Casquette B c'est dans mon auto. Parce qu'ils contrôlent l'accusateur. Mon logo, les joueurs de polo, les alligators. Molotov rime avec mairie. Poste payé. Frime sans être boss, je fais un roi sans Z3. Un rat sans Z, en fuite alors je m'arrache en Z8, ma race au bled. Alors écoute bien, gros. Haute scène, département. Tu veux stopper mon crew, mais tu vas faire comment? Alors écoute bien. Mon nom stické sur tous les murs du 16 au Hall. Négro, t'es sourd ou quoi? On est Hall. Alors écoute bien. Un rap à sauce, y'a plein stop. Le son qui fait péter un câble. Alors écoute bien. Gros, viens toi, écoute bien. Mes rapants disent non, mes sapins teflon. Casse ta tête, va faire l'amour avec un tesson. Sur un de mes sons, JP dans les trips, j'suis dans les boîtes, les gifles et dans les chiffres. J'porte le Kevlar du lâche-vie. Pourtant j'pense pas que c'est que les bars m'arrivent à lâche-vie. A double tranchant, de la délinquance dans le champ. J'arrive à fond dans les virages, vire. Dans le rouge, mais civilisé. Né dans une cible, on a coupé mon cordon avec une scie. 9 mois dans un bunker, le majeur. 2 boules d'un roi crash et dans un chargeur. Mon sachet de bœuf, dégrainé pour mieux dégainer. Les putes, c'est le kiné, les mal en guinée. Dangereux phrasé, y'a encore de la place dans mon casier. Révolution dans l'élocution. MC exécution sur mon son de batterie. Un abattre, ici c'est rime, crime, Dibitri. Haute scène, département. Tu veux stopper mon crew, mais tu vas faire comment? Alors écoute bien. Mon nom stické sur tous les murs du 16 au Hall. Négro, t'es sourd ou quoi? On est Hall. Alors écoute bien. Un rap à sauce, y'a plein stop. Le son qui fait péter un câble. Alors écoute bien. Oh, viens toi, écoute bien. Alors écoute bien. Haute scène, département. Tu veux stopper mon crew, mais tu vas faire comment? Alors écoute bien. Mon nom stické sur tous les murs du 16 au Hall. Négro, t'es sourd ou quoi? On est Hall. Alors écoute bien. Un rap à sauce, y'a plein stop. Le son qui fait péter un câble. Alors écoute bien. Oh, viens toi, écoute bien.